إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله اتقوا الله فإن تقواه نجاه وأطيعوا الله تبارك وتعالى فإن طاعته فلاح واحذروا عباد الله طاعة الشيطان فإن في طاعته العطب والهلاك عباد الله إن عداوة الشيطان للإنسان قديمة متأصلة وكيده ومكره به مستحكم متجذر يبغي للإنسان الغوائل ويتربص به الدوائر ويأتيه من كل طريق وسبيل كيدا ومكرا وصدا وإغواء وأزا إلى المعاصي والذنوب وسوقا إلى ارتكاب المحرمات والآثام وصدا عن طاعة الرب الملك العلام وفي القرآن أيها المؤمنون آي كثيرة تزيد على 150 فيها التحذير من هذا العدو وبيان مكره وكيده وخبثه وشره ووساوسه وهمزه ونفثه تحذيرا للعباد من هذا العدو الخطير والله جل وعلا عباد الله أخبرنا في القرآن أن الشيطان عدو لنا أمرنا باتخاذه عدوا قال الله تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير عباد الله كن يا الله Et sachez que dans le fait de craindre Allah subhanahu wa ta'ala et d'être pieux envers lui, il y a un salut pour vous. Et obéissez à Allah tabaraka wa ta'ala, car dans son obéissance, il y a un succès. Et prenez garde, serviteur d'Allah, à l'obéissance au shaitan, car dans l'obéissance au shaitan, il y a la perdition. Serviteur d'Allah, l'animosité et la haine du shaitan pour l'être humain est une chose ancienne. Le shaitan déteste l'être humain depuis le début de sa création. Et le shaitan ruse et fait des complots pour essayer d'égarer l'homme. Et il cherche par tous les moyens de l'attendre au tournant du chemin pour l'égarer. Et il lui parvient de tous les côtés et par tous les chemins, avec toutes les ruses et tous les complots pour essayer de le détourner et de le faire dévier et de le faire tomber dans les péchés, dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il essaie de l'amener à tomber dans les désobéissances d'Allah et dans les péchés. Et de lui obstruer le chemin de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, le souverain, le Seigneur, celui qui connaît celui qui a la connaissance de toutes choses. Et il y a dans le Coran plus que 150 versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde contre cet ennemi et dans lesquels il nous explique et il nous mentionne ses ruses, ses complots, à quel point il est mauvais et comment il est égaré et comment il essaie par tous les moyens d'égarer l'homme, en lui soupirant et en lui suggérant toutes sortes de suggestions pour l'égarer du droit chemin. Et ces versets sont révélés pour nous avertir et pour nous mettre en garde de cet ennemi dangereux. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne dans le Coran que le shaytan est un ennemi pour nous. Et il nous ordonne de le prendre comme un ennemi. Et il dit, ce qui signifie, certes le shaytan est un ennemi pour vous, alors prenez-le comme un ennemi. Il ne fait qu'appeler son parti pour qu'il soit des compagnons de la fournaise. Wa akhbarana jalla fi ula أن الشيطان في إغوائه للإنسان يخطو به خطوات تلو خطوات إلى أن يوقعه في حمأة الفساد وعظيم الكبائر والذنوب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. الله سبحانه وتعالى nous a informé des manières dont le shaitan égare l'homme et comment il essaie de le faire suivre ses pas pour le faire tomber dans la désobéissance et la corruption et dans les grands péchés et la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: ô vous qui avez cru, ne suivez pas les pas du shaytan. Et celui qui suit les pas du shaytan, certes, sachez qu'il vous appelle à la turpitude, au grand péché et aux choses mauvaises. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit également ce qui signifie: ô vous qui avez cru, entrez dans l'islam en entier, c'est-à-dire dans l'islam au complet, et ne suivez pas les pas du shaitan. Certes, il est pour vous un ennemi évident. Ibad Allah, wa akhbarana Rabbuna jalla wa ala anna hadha al-adu al-khatir yarana wa la narahu. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. وقال مالك بن دينار رحمه الله: إن عدوا يراك ولا تراه لشديد المؤنة إلا من عصم الله. Serviteur d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe également à propos de cet ennemi dangereux, que lui peut nous voir mais que nous ne le voyons pas. Et il dit ce qui signifie: il vous voit, lui ainsi que ses soupeaux, de là où vous ne pouvez les voir. Et Malik ibn Dinar, un des imams parmi les salafs, il disait: certes, un ennemi qui te voit et que toi tu ne peux pas voir est certes quelque chose de très dangereux, excepté pour celui que Allah a protégé. Ibad Allah, لقد أخبرنا ربنا عز وجل عن هذا العدو أنه يأتي للإنسان من كل طريق ويكيد له في كل سبيل ويتربص بالإنسان الدوائر بطرق شتى وأساليب متنوعة يصد بها العباد عن دين الله تبارك وتعالى. ولقد ظن هذا العدو كما أخبر الله تعالى ظن في القديم أن أكثر الناس سيكونون من أتباعه فنزل أكثر الناس عند ظنه فاتبعوه. وقال الله تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. Serviteur d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé à propos de cet ennemi en disant qu'il vient à l'être humain et il lui fait des complots. Il vient par tous les chemins par lesquels il peut venir, par devant, par derrière, par la gauche, par la droite, par en dessous, par tous les côtés, pour essayer de le faire dévier du droit chemin. Et il essaie de guetter l'être humain au tournant du chemin par toutes sortes de différentes méthodes et toutes sortes de différents moyens pour essayer de faire dévier l'être humain de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a pas un moyen qu'il peut essayer, excepté qu'il va tenter de l'utiliser pour faire dévier l'homme. C'est un ennemi acharné contre l'être humain. Et cet ennemi a pensé depuis longtemps, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a dit, qu'il allait avoir beaucoup d'adeptes et de fidèles parmi les hommes. Et il a pensé que la plupart des hommes allaient le suivre. Et certes, beaucoup d'hommes sont malheureusement tombés dans son piège et se sont mis à le suivre. Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné au sujet de Iblis dans le Coran et il dit: Iblis a certes confirmé sa pensée à leur sujet. Ils le suivirent donc, excepté un groupe d'entre eux parmi les croyants. Ibad Allah. وكيد الشيطان للإنسان ومكره به وحيله في صده وإغوائه يكون بوسائل كثيرة وأساليب متعددة ومتنوعة ذكرها الله سبحانه وتعالى عنه في القرآن. قال الله تعالى: قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتكن ذريته إلا قليلا. قال: اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. الله سبحانه وتعالى سبحانه الله nous mentionne les ruses du شيطان et à quel point il ruse contre les êtres humains et utilise tous les moyens pour le faire dévier et pour lui obstruer le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala par toutes les façons possibles. Et il mentionne cela dans le Coran, dans ce qui signifie, en mentionnant les exemples des paroles d'Iblis. Vois-tu celui que tu as honoré au-dessus de moi? C'est-à-dire lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam et qu'il a insufflé l'âme en lui, et qu'il a ordonné aux anges de se prosterner devant Adam, et Iblis était parmi les anges, alors qu'il fait partie des djinns. Alors, il a refusé de se prosterner, par orgueil. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dit: vois-tu celui que tu as honoré au-dessus de moi, en parlant de Adam, si tu me donnais du répit jusqu'au jour de la résurrection, j'éprouverai certes sa descendance, excepté un petit nombre d'entre eux. Et Allah dit: va-t'en, quiconque d'entre eux te suivra, quiconque d'entre eux, c'est-à-dire de la descendance de Adam, te suivra, votre sanction sera l'enfer, une ample rétribution. Et il dit: excite par ta voix ceux d'entre eux que tu pourras. Rassemble contre eux ta cavalerie et ton infanterie. Associe-toi à eux dans leurs biens et leurs enfants et fais-leur des promesses. Or le diable ne leur promet que tromperie. Quant à mes serviteurs, Allah subhanahu wa ta'ala dit: quant à mes serviteurs, ceux qui sont sincères, et qui croient en Allah avec sincérité, tu n'auras aucun pouvoir sur eux, et ton Seigneur suffit pour les protéger. Wa qala ta'ala anhu, an shaytan, wa qala la'attakhidhanna min ibadika nasiban mafrouda, wa la'udallilannahum, wa la'umanniyannahum, wa la'amurannahum, فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. الله سبحانه وتعالى دي à propos du shaitan, hein, il mentionne ces paroles. Il dit, certes, je saisirai parmi tes serviteurs une partie déterminée. Certes, je ne manquerai pas de les égarer. Je leur donnerai de faux espoirs. Je leur commanderai et ils fendront les oreilles des bestiaux. Hein, c'est des choses que les mouchriquins faisaient par superstition. Ils fendaient les oreilles des animaux qu'ils avaient. Et il dit ensuite, il mentionne les paroles du shaitan, il dit, et je leur commanderai et ils altéreront la création d'Allah. Il va les faire changer la création d'Allah. Et quiconque prend le diable pour allié au lieu d'Allah sera certes voué à une perte évidente. Il leur fait des promesses et leur donne de faux espoirs. Et le diable ne fait que de promesses trompeuses. Ibad Allah. هل عرفنا هذا العدو؟ هل حذرنا من خطواته؟ هل اتخذناه عدوا كما أمرنا ربنا بذلك؟ أم أننا أطعناه واتبعناه؟ إن الواجب على كل مسلم ناصح ناصح لنفسه أن ينظر في خطواته وأعماله أهي من طاعة الرحمن أم من طاعة هذا العدو الشيطان عجبا لمن عرف ربه بكمال الصفات وعظيم النعم وجليل العطايا والمنن فعصاه وعرف الشيطان بصده وكيده ومكره فأطاعه واتبعه أيليق بالمسلم عباد الله أن يكون أسير هذا العدو ينساق وراءه ويمضي تحت لوائه ويتبعه في إغوائه أسيرا له سائرا على ما يطلبه منه الشيطان أرضي العبد لنفسه بهذا المصير وقبل لنفسه هذه الحياة حياة الاستسلام للشيطان والطاعة لهذا العدو serviteur d'Allah. Nous avons connu cet ennemi, mais l'avons-nous vraiment connu? Et avons-nous pris garde de suivre ses pas? Et est-ce que nous avons pris cet ennemi comme un ennemi pour nous-mêmes, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a ordonné, ou bien au contraire l'avons-nous obéi et suivi? Certes, il est obéi et il est obligatoire à tout musulman sincère envers lui-même, de regarder ses pas, ses propres actions, et de se poser la question: est-ce que mes actions sont en accord avec l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien est-ce qu'elles sont en accord avec l'obéissance du shaitan? Il est étonnant de voir comment celui qui a connu son Seigneur, qui connaît la perfection de ses attributs et les grandes grâces qu'il nous donne et la majesté de ses dons et de ses faveurs, par la suite, au lieu de lui obéir, il lui désobéit. Et il connaît le shaitan, et il connaît à quel point le shaitan essaie de lui obstruer le chemin, et de ruser contre lui et de comploter contre lui, et malgré tout, il lui obéit et le suit. Est-ce qu'il convient aux croyants, aux musulmans, aux serviteurs d'Allah d'être un prisonnier et de devenir esclave du shaitan et de le suivre et de courir derrière lui et de marcher derrière sa bannière et de le suivre dans sa tentation et dans sa déviation des hommes, d'être son prisonnier et de suivre tout ce que le shaitan lui demande? Est-ce que le serviteur est satisfait pour lui-même de cette destinée? Est-ce qu'il est satisfait de lui-même d'être dans cette voie et de suivre ce chemin? Est-ce qu'il a accepté pour lui-même de vivre une vie de soumission et d'obéissance au shaitan qui est son ennemi? Parce que des fois, on dit avec la bouche non, mais par nos actions, on dit oui. On dit avec la bouche, non, je n'obéis pas au shaitan. Mais avec nos actions, on dit oui. Parce qu'on suit les pas du shaitan dans toutes les voies d'égarement qu'il nous ordonne de passer. Ibad Allah. ثم ماذا يكون المآل وأي شيء يكون المصير لهؤلاء الأتباع مع هذا المتبوع الشيطان إنه عباد الله يقف يوم القيامة إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار خطيبا في أتباعه خطبة شوهاء جذماء يندم على إثرها الأتباع ندما لا يفيدهم هذا الندم. قال الله تعالى وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. سبحان الله. Que sera la destinée? Que sera la conclusion? Que sera la conclusion de ces gens qui ont suivi le shaitan? Ils vont se tenir au jour de la résurrection, alors que le shaitan va se tenir devant eux et va s'adresser à eux. Tandis que les gens du paradis rentrent au paradis et les gens de l'enfer rentrent en enfer. Et le shaitan s'adresse à eux, et après cette adresse qu'il leur donne, et après leur avoir parlé, ils vont sentir en eux-mêmes un remords et un regret. Mais ce regret et ce remords ne sera d'aucune utilité, car à partir de ce moment-là, il est trop tard pour corriger ou pour changer. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le Coran ce que dit le shaitan à ses adeptes, à ses fidèles, à ceux qui l'ont suivi dans cette vie d'ici-bas. Et quand tout sera accompli, le diable dira: certes, Allah vous avait fait une promesse de vérité, tandis que moi, je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Je n'avais aucune autorité sur vous, si ce n'est que je vous ai appelé et que vous m'avez répondu. Ne me faites donc pas de reproche, mais faites-vous-en à vous-même. Je ne vous suis d'aucun secours et vous ne m'êtes d'aucun secours. Je vous renie de m'avoir jadis associé à Allah. Certes, un châtiment douloureux attend les injustes, c'est-à-dire les koufars et les mouchriquins. Et on fera entrer ceux qui croient et font des bonnes œuvres, ceux qui ont cru au tawhid et qui ont suivi l'exemple des messagers et qui ont fait des bonnes œuvres. Ils entreront dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement par la permission de leur Seigneur. Et là, leur salutation sera salam. Mais malheureusement, beaucoup se sont laissés tromper. Et le shaitan en a pour tous les goûts quand il s'agit d'égarer les hommes. Il ne faut pas penser que le fait de suivre le shaitan est uniquement dans ce qui a rapport avec les péchés et les tentations. Parce qu'il y a même des égarements du shaitan, même dans ce qui est religieux, et même dans ce qui fait partie de la religion ou de ce qui a l'apparence d'être religieux. Et c'est pourquoi le shaitan a fait tomber beaucoup de ses adeptes et de ses fidèles dans l'égarement, justement en déformant la réalité de la religion et en fondant et en créant toutes sortes de sectes et toutes sortes de déviations que certains hommes ont suivies dans l'égarement du shaitan. Et donc toutes les voies d'égarement, toutes les voies de bid'ah, toutes les voies de kouf et de shirk, et toutes les religions d'égarement, autres que l'islam, autres que ce qui est enseigné par le Coran et par la sunna, et autres que la compréhension de nos pieux prédécesseurs parmi les sahaba et les tabi'in, et ceux qui les ont suivis de la bonne manière, tous ces gens-là ont été trompés par le shaitan. Que ce soit les soufis, que ce soit les khawarij, que ce soit Daesh, que ce soit les autres groupes Al-Qaïda ou les autres groupes d'extrémisme ou d'égarement. Même s'ils se disent défendre l'islam ou la religion, ou même s'ils prétendent être sur l'islam et sur la religion de l'islam, ou être sur la sunna, du moment qu'ils ne suivent pas l'islam tel qu'il a été révélé par Allah subhanahu wa ta'ala aux messagers et tel qu'il a été suivi par les sahaba, eh bien, ils sont tombés dans la ruse du shaitan. Et c'est pour cette raison qu'il a égaré beaucoup d'hommes. Regardez les chrétiens qui adorent des hommes, qui adorent des êtres humains, qui adorent des images, qui adorent des statues, qui adorent des croix. Pourtant, ils prétendent faire ça au nom de la religion d'Allah. Et ils prétendent suivre la religion d'Allah. Regardez les juifs qui prient, qui jeûnent, qui font toutes sortes de bonnes œuvres. Et qui disent obéir à Allah et qui prétendent obéir à Allah et pourtant ils sont sur les voies du shaitan. Et donc parfois les voies du shaitan sont claires et apparentes quand c'est des voies de corruption, de péché, de turpitude, de grands péchés clairs et apparents que des gens vivent sur les voies de ces péchés-là et on voit clairement que c'est de l'égarement. Mais parfois le shaitan utilise des ruses. Et parfois, il leur fait voir le bien comme étant mal, et il leur fait voir le mal, il leur fait voir le mal comme étant bien. Et un des grands ulama de l'islam, un grand alim qui s'appelle Ibn al-Jawzi, il a écrit un livre qui est très bénéfique, et qui s'appelle Talbis Iblis. Et je pense que la plupart des musulmans connaissent ce livre, ou sinon ils ont entendu parler de ce livre. Et dans ce livre qui s'appelle Talbis Iblis, c'est-à-dire les ruses de Iblis, comment Iblis arrive à confondre les hommes dans la religion, eh bien il ramène dans ce livre toutes les façons comment le shaitan a réussi à faire dévier des gens à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala et à propos de la religion. Et il commence dans ce livre avec les khawarij et avec les différentes sectes qui ont dévié au nom de l'islam à propos des Rafida, la secte des Shia, Rafida. Après, il parle également des Soufiyin, et même que la plus grosse partie de son livre parle des égarements du shaitan envers les Soufis, et comment il a fait dévier les Soufis du droit chemin de l'islam. Et il parle de beaucoup d'autres sectes aussi. Et ce livre, alhamdoulilah, il est facile à trouver, disponible dans la plupart des librairies musulmanes. Et donc, si vous le cherchez, même vous pouvez même le trouver avec une simple recherche sur Google en écrivant le titre en arabe et vous allez trouver la version PDF de ce livre. Il s'appelle Talbis Iblis. Il est même traduit en français. Et donc, je vous conseille donc ce livre. Et il y a d'autres livres aussi dans cette catégorie. Mais celui-là est très, très, très, très intéressant et très bénéfique. Allahumma ya Rabbana, ya Sayyidana wa Mawlana, ij'alna min ibadika ahlil jannat, alladhina yadkhulunaha bisalam. وأعذنا يا ربنا من الشيطان الرجيم اللهم إنا نستعذ بك يا سميع يا عليم من الشيطان الرجيم وهمزه ونفخه ونفثه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، لنحاسب أنفسنا قبل أن يحاسبنا الله، ولنزن أعمالنا قبل أن توزن يوم القيامة. عباد الله، أخبرنا عن هذا العدو وعن عداوته ومكره وكيده ووسائله وطرائقه، فما الذي عملنا وكيف كان اتقاؤنا له؟ عباد الله، لننظر نظرة حاسمة جادة في أعمالنا، في بيوتنا، في تنقلاتنا، في اجتماعاتنا ولقاءاتنا وسائر شؤوننا. أفي كل ذلك نقوم بما يرضي الله؟ أم أن في ذلك ما هو اتباع للشيطان وطاعة له؟ عباد الله، ما أجمل أن نحاسب أنفسنا قبل أن يحاسبنا الله. عباد الله، لنستعذ استعاذة صادقة بالله من هذا العدو، ولنأخذ أنفسنا أخذا صادقا بلزوم شرع الله وتجنب كيد هذا العدو ومكره. ومن يستعن بالله ومن يستعذ بالله يعيذه، ومن يستعن بالله يعينه، ومن يتوكل على الله يكفيه، ومن يجاهد نفسه على طاعة الله تبارك وتعالى يهديه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Serviteurs d'Allah, nous devons nous faire des comptes à nous-mêmes avant que Allah nous demande des comptes. Et nous devons peser nos œuvres avant que nos œuvres soient pesées au jour de la résurrection. Allah subhanahu wa ta'ala nous a informés à propos de notre ennemi et de son animosité envers nous, et de ses ruses et complots, et de ses moyens et de ses méthodes. Alors, qu'est-ce que nous faisons, hein? Que faisons-nous pour nous préserver? Serviteurs d'Allah, nous devons regarder sérieusement dans nos œuvres, dans nos maisons, dans nos déplacements, dans nos rassemblements et dans toutes nos affaires. Est-ce qu'on a fait dans tout cela ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien plutôt avons-nous suivi le shaytan et avons-nous obéi à ses ordres? Serviteurs d'Allah, comme est belle la parole ou l'idée de nous faire des comptes à nous-mêmes avant que Allah nous demande des comptes. Serviteurs d'Allah, nous devons chercher refuge en Allah d'une manière sincère, pas seulement avec la bouche mais avec le cœur et avec nos actions. Pas juste quand on dit « A'udhu Billah » seulement avec la langue, mais qu'on ne cherche pas vraiment refuge en Allah avec notre cœur et par nos actions aussi. Et nous devons donc être sincères envers nous-mêmes et essayer de rester sur l'ordre d'Allah et sur ce qu'il nous a ordonné de suivre, et nous écarter des ruses de cet ennemi et de ses ruses qu'il a fait pour nous. Et nous devons demander à Allah de nous aider à ne pas tomber dans ses ruses et de nous protéger